Section 25 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, quatrième partie, l'agriculture, l'industrie, le commerce, par Pierre-Émile Levasseur. Les corps de métier dans la première moitié du XIVe siècle. Durant le XIIIe siècle, l'industrie avait prospéré. Les gens de métier s'étaient constitués en corporations dans beaucoup de localités. Ils avaient été intimement mêlés à la vie communale. Les rois, dans leur bonne ville, les avaient protégés. De grands seigneurs avaient fait comme les rois. Les bourgeois, artisans ou marchands, s'étaient enrichis, possédaient leurs maisons avec pignon sur rue et étaient devenus propriétaires de terres à la campagne. La corporation n'était pas un mode d'organisation nécessaire, puisqu'il y avait des villes importantes où elle n'existait pas, mais elle était le mode d'organisation du travail industriel le mieux adapté aux besoins du temps, celui qui donnait aux artisans la force de l'union et leur permettait de résister à l'oppression en même temps que de bénéficier de certains privilèges. Le bénéfice était presque tout au maître, mais ceux-ci vivaient en général près de leurs compagnons, travaillant comme eux, et les liens de subordination qui attachaient l'ouvrier, le valet, comme on disait alors dans certains métiers, et l'apprenti au corps de métier, paraissaient peu gênants parce que le nombre des compagnons n'excédait guère et devait, dans certaines professions, ne pas atteindre celui des maîtres, et que l'accès de la maîtrise n'était pas encore obstrué par les obstacles que les statuts ont plus tard multipliés. La hanse parisienne. Cependant, les privilèges étaient parfois très exclusifs. La hanse parisienne, connue sous le nom de marchand de l'eau de Paris ou de compagnie française, en est un exemple mémorable. À la prière de cette compagnie, Philippe le Bel avait supprimé, en 1293, la commune de Rouen et la compagnie rouennaise, qui avaient le monopole de la navigation de la Basse-Seine depuis le pont de Mantes, et qui avait même obtenu de Louis VII le droit de faire remonter des bateaux vides jusqu'au ruisseau du Pec et de les y charger sans avoir besoin de s'associer à un membre de la hanse parisienne. Les Rouennais, ayant réclamé énergiquement, obtinrent à prix d'argent le rétablissement de leurs droits. Mais sous Louis X, l'influence de la hanse parisienne l'emporta encore. Une ordonnance de 1315 permit de nouveau à tous les marchands de descendre et de remonter librement la Seine jusqu'à Rouen, de décharger et de vendre leurs marchandises, à la seule condition de payer les droits ordinaires, mais en même temps renouvela la défense de naviguer entre le pont de Mantes et Paris sans être associé à la hanse parisienne. La nécessité d'assurer l'approvisionnement de Paris en empêchant les Rouennais d'accaparer les vins de Bourgogne et les vivres était le principal argument invoqué par la hanse. Les gros revenus que les rois tiraient de cette hanse étaient une des raisons qui les rendaient favorables à sa cause. Aussi ces privilèges furent-ils plusieurs fois confirmés, jusqu'au jour où Charles VII, voulant mettre un terme à une rivalité nuisible au commerce, abolit tous les privilèges des compagnies françaises et normandes, et permit aux Rouennais de venir trafiquer librement à Paris, comme les Parisiens à Rouen, ordre contre lequel les deux parties protestèrent et qui ne fut exécuté qu'en 1461 par la volonté de Louis XI. Lorsqu'en 1672, Louis XIV supprima la corporation, il y avait bien longtemps que son rôle se bornait à percevoir sur les ports des droits de hanse. Les foires. On peut dire qu'au Moyen-Âge, la prospérité des foires est à peu près la mesure de la prospérité du commerce. La foire du Landy avait profité de la fortune de Paris et était devenue très importante au XIIIe siècle. Elle l'était encore dans la première moitié du XIVe. Les foires de Champagne et de Brie, qui se tenaient deux à trois, une à Provins, une à Lagny, une à Reims, une à Bar-sur-Aube, étaient plus importantes encore que celles du Landy, à la fin du XIIIe siècle. Les restes de l'architecture de cette époque à Provins demeurent comme les témoins d'une prospérité passée. lorsque Philippe le Bel, devenu par son mariage seigneur de la Champagne, eut interdit l'accès des foires aux Flamands avec lesquels il était en guerre, les Allemands puis les Italiens prirent l'habitude de porter directement leurs marchandises en Flandre et la prospérité des foires déclina. Les routes du commerce se trouvèrent changées et la Champagne ne se releva pas du coup que la politique lui avait porté. Dans la vallée du Rhône, qui était toujours restée depuis l'Antiquité une des plus importantes voies commerciales de l'Occident, les foires de Lyon et surtout la foire de Beaucaire, où se réunissaient des marchands venus de toutes les contrées méditerranéennes, continuèrent à prospérer au XIVe siècle. L'industrie et le commerce sous les premiers Valois. La royauté avait favorisé dans ces bonnes villes la création des corps de métier. À Paris, son prévôt avait recueilli, vers la fin du règne de Saint-Louis, et fixé par écrit les statuts de la plupart des corporations placées sous sa juridiction. Dans les villes, qu'elles fussent royales ou seigneuriales, les juges étaient très souvent saisis d'affaires litigieuses relatives aux métiers. C'était presque toujours des querelles de privilèges, chacun se plaignant des empiétements de son voisin ou de l'oppression d'un métier puissant. À Paris, les drapiers faisaient travailler les foulons et prétendaient les payer en denrées dont ils fixaient la valeur arbitrairement eux-mêmes. Les foulons réclamèrent auprès du prévôt du roi qui, en 1293, ordonna que les paiements ne fussent faits dorénavant qu'en deniers comptants sous peine d'amende. Entre drapiers et teinturiers, les rapports étaient journaliers, et la rivalité éclatait de temps à autre par des procès portés devant le prévôt ou le parlement. On a déjà vu dans quelles circonstances fut rendu l'arrêt du prévôt de Paris de 1291. Il obligeait les deux parties à jurer sur les saints qu'elles cesseraient cette guerre intestine. Les tisserands, qu'ils ne porteront drap, fil, laine pour teindre hors de la ville. Les teinturiers, qu'ils feront teinture bonne et loyale. Beaucoup jurèrent, mais le serment fut mal tenu, et les querelles continuèrent pendant des siècles entre ces deux métiers dont un contact journalier entretenait l'inimitié. À mesure que la royauté étendait son autorité, elle sentait davantage les inconvénients de ces rivalités, des privilèges qui les suscitaient, du morcellement industriel qui en résultait entre les villes et dans la même ville entre les métiers. Après la peste noire, qui vers la fin du règne de Philippe de Valois avait décimé la population et par suite les salaires, le roi Jean, attribuant leur enchérissement au petit nombre de maîtres et à l'absence de concurrence, rendit en 1351 une ordonnance par laquelle il déclare que toute manière des mestiers, laboureurs et ouvriers, de quelque mestier qu'ils se mestent ou entremettent, pourront avoir, prendre et tenir en leurs hôtels tant d'apprentis comme ils voudront, à temps convenable et à prix raisonnable. Que toute manière de gens quelconques qui sauront eux mesceler et entremettre de faire mestier comme labeur ou marchandise quelconque le puisse faire et venir faire. C'était en principe l'abolition de tous les privilèges corporatifs. La visite des marchandises était maintenue dans l'intérêt de la bonne fabrication, mais les prud'hommes chargés de l'affaire devaient être désormais nommés par le prévôt royal. La même ordonnance fixait le maximum des salaires et des façons. Les tondeurs de draps étaient taxés à 2 sous 6 deniers pour les gros draps, à 18 sous au maximum pour les draps les plus fins quand ils tondront aussi l'envers. La paire de souliers de cordouan pour femmes devait être vendue 2 sous. Nul salarié en général ne devait, sous aucun prétexte, demander plus d'un tiers en sus de ce qu'il demandait avant la mortalité. Nul marchand ne pouvait, quand il n'ajoutait pas de façon à la marchandise, prendre un bénéfice supérieur à 2 sous pour livre. L'ordonnance de 1351 n'est pas la seule tentative faite par la royauté du XIVe siècle pour tempérer les excès du monopole corporatif. En 1356, le régent parlant des règlements qui sont faits plutôt pour le profit des personnes du métier que pour le bien commun, ajoutait « C'est pourquoi depuis 10 ans, on a fait plusieurs ordonnances qui dérogent et qui contiennent entre autres choses que tous ceux qui peuvent faire œuvre bonne peuvent œuvrer en la ville de Paris. » Toutes ces tentatives échouèrent devant la résistance des corporations, et la coutume fut plus forte que la royauté. les temps n'étaient pas mûrs pour la liberté du travail. Ce qui persista, ce fut l'aggravation des impôts, que les besoins croissants de l'administration royale, et surtout les dépenses de la guerre, rendirent nécessaires, et dont la charge pesa principalement sur la bourgeoisie. La royauté des Valois s'aliéna ainsi l'esprit des artisans et des marchands que les Capétiens du XIIIe et du commencement du XIVe siècle avaient protégés. Lorsqu'après le désastre de Poitiers, la bourgeoisie, conduite par Étienne Marcel, tenta de prendre la direction des finances et même de la politique, les corps de métier de Paris entrèrent en lutte ouverte avec les officiers royaux, en même temps que les Jacques se soulevèrent dans la campagne. Charles le Sage rétablit l'ordre. Il n'eut qu'un remords en mourant, celui d'avoir accablé ses sujets d'impôts. Ce sont choses, quoique je les ai soutenues, qui moult me grèvent et poisent encourage. In extremis, il supprima les impôts. On sait quelle difficulté causa cette mesure dans les premières années du règne suivant. Lorsque l'armée royale et féodale eut écrasé la bourgeoisie flamande à Rosbeck, les oncles du roi, mécontents de la population parisienne, et surtout des petits métiers, dont l'indiscipline et la turbulence tenaient l'administration en échec depuis 2 ans, entrèrent dans Paris en vainqueurs irrités. Dans la violente réaction qui suivit, l'ordonnance du 27 janvier 1383 supprima la prévôté des marchands et l'échevinage, cassa les maîtres des métiers et abolit les confréries. La bourgeoisie de Rouen et celle d'Amiens furent traitées aussi durement. L'ordonnance ne fut pas exécutée dans toute sa rigueur, car on sait que les orfèvres de Paris ont eu, en 1383, comme les autres années, leurs 6 gardes du métier. Les autres corps, et les bouchers les premiers par ordonnance de 1387, rentrèrent en grâce, et en 1411, la municipalité elle-même, avec son prévôt des marchands et ses échevins, fut rétablie. Un peu plus tard, à l'époque des Cabochiens, la grande boucherie de Paris, qui s'était mise à la tête du mouvement, fut supprimée, 1416, démolie et remplacée par 4 boucheries nouvelles. Mais à son tour, le duc de Bourgogne, après s'être débarrassé du bourreau Capluche, réintégra en 1418 les bouchers dans leurs privilèges, en laissant toutefois subsister 3 déboucheries nouvellement créées. La lutte des gens de métier contre la royauté était terminée. Les monnaies. Un des plus graves sujets de plainte de la bourgeoisie contre l'administration royale durant cette période a été l'altération des monnaies. Les rois et les seigneurs prélevaient sur les monnaies qu'ils fabriquaient un droit de seigneuriage, c'est-à-dire un bénéfice résultant de la différence entre le prix réel du métal fin contenu dans chaque pièce et la valeur légale attribuée à cette pièce. Ce droit était considéré comme légitime. Il avait donné naissance à cette opinion que la volonté du roi faisait la valeur de la monnaie. Quand la monnaie royale fut devenue prépondérante, puis peu à peu presque unique, et que le commerce développant en employa une plus grande quantité, les rois, toujours à court d'argent, pensèrent trouver une ressource importante dans l'exercice de ce droit. En réalité, ils altérèrent la monnaie. Ils le firent de 2 manières, soit en déclarant que telle pièce qui avait cours pour un certain nombre de sous ou deniers aurait dorénavant cours pour un nombre différent, et naturellement presque toujours pour un nombre supérieur, soit en émettant des pièces qui contenaient plus d'alliage et moins de métal fin que les anciennes pièces de même valeur. Philippe le Bel usa souvent de ces moyens. Les principales monnaies en circulation de son temps étaient l'agnet d'or, valant 12,5 sous, les gros et sous tournois, les oboles ou demi-gros, les mailles blanches ou tiers de gros, monnaie d'argent calculée de manière que les 20 sous composant la livre tournois eussent un certain poids d'argent fin, poids qui était sous Louis IX égal à peu près à celui de 4 pièces de 5 francs de notre monnaie actuelle. C'est ce qu'on appelait la bonne monnaie du Saint-Roi. Les deniers de Billon, quoiqu'ils fussent la monnaie la plus employée, n'avaient, comme les sous d'aujourd'hui, qu'une valeur de convention. Philippe le Bel, en changeant la valeur nominale des pièces ou en diminuant la quantité de fin, abaissa tant la valeur intrinsèque que la livre tournois ne correspondait plus, en 1305, qu'à la quantité d'argent contenue aujourd'hui virtuellement dans 6 francs 15. Puis, tout à coup, il la rétablit sur le pied de 17 francs 63. Quoique le commerce pesât les pièces et ne les prît que pour leur valeur réelle, sans subir la tyrannie de toutes les altérations successives, ces changements étaient très préjudiciables dans beaucoup de cas, par exemple pour le paiement des loyers, tantôt aux débiteurs et tantôt aux créanciers. Aussi l'ordonnance de 1306 souleva-t-elle dans Paris une émeute qui obligea le roi à chercher un refuge dans le temple. Les premiers Valois méritent aussi bien que Philippe le Bel le nom de faux-monnayeurs. Le règne de Jean le Bon fut particulièrement fécond en abus de cette espèce. L'hôtel du roi en vint à émettre des monnaies qui ne contenaient presque pas d'argent. Le peuple se plaignait, et comme les anciennes pièces que la royauté était impuissante à retirer restaient dans la circulation en même temps que les nouvelles y entraient, il y avait des pièces de tout alloi portant parfois les mêmes noms. Ouvriers et marchands étaient obligés de stipuler qu'ils seraient payés en forte monnaie, et cette confusion, cause fréquente de mécomptes, gênait le commerce. Un conseiller de Charles V, Nicole Oresme, écrivit un traité des monnaies dans lequel il signalait l'erreur et le danger de ces altérations et demandait une monnaie fixe et de bonne alloi, la valeur étant déterminée par la quantité de métal fin et non par l'ordre du souverain. Il exprimait une pensée que Charles V s'appliquait à mettre en pratique. En effet, quoique ce prince ait lui-même changé quelquefois les espèces dans les premiers temps de son administration, il procura au commerce le bienfait de cette fixité en même temps qu'il donnait la sécurité au travail. Misère et dépopulation du royaume pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans a ruiné et dépeuplé la France. Son territoire a été pendant un siècle occupé ou traversé par les gendarmes. Les paysans ont été rançonnés, pillés ou tués. Les villes n'ont pas été à l'abri des coups de main. Celles même dans les murs desquelles l'ennemi n'a pas pénétré ont été accablées par les impôts et appauvries par le ralentissement du commerce et par la misère générale du royaume. Le mal qui avait commencé avec les premières invasions d'Édouard III devint aigu après la bataille de Poitiers. La jacquerie en a été en partie la conséquence et en est devenue elle-même un des épisodes les plus lugubres. Déjà en 1359, le roi ordonnait à tout capitaine et autres gens de garnison de forteresse que des dictes princes, pilleries, rançons, arrêts, empêchements, travers, paillages et autres charges, services et servitudes ne usent dorénavant. La défense donne l'idée des licences que se permettaient les soudards. Charles V, sans parvenir à réprimer tous ces désordres, procura quelques répits au pays. Mais le mal s'aggrava considérablement sous ses deux successeurs, pendant le règne desquels la guerre étrangère se compliqua de la guerre civile. Meurtres, rapines, incendies, pillages des églises, viols des filles, on commettait tous les excès qu'une fureur sarrasine aurait pu suggérer, dit dans un latin un peu ampoulé la chronique de Charles VI. Ce n'étaient pas seulement les gendarmes, soi-disant nobles, c'étaient les vilains qui, ayant déserté leur champ ou leur métier, sortaient tout à coup des forêts pour dépouiller les voyageurs et s'emparer des marchandises. Les factions, l'homicide et le crime désolaient les villes, et partout on se traitait en ennemis. Tu es bourguignon, tu es armagnac. Il n'est pas surprenant que les campagnes fussent alors sans culture et que l'industrie fût languissante dans les villes. Un poète du temps, Eustache Deschamps, déplorait l'abandon des métiers. Mes chasquins veulent escuyer devenir. À peine est-il aujourd'hui nul ouvrier, c'est ce qui fait faute et ennui, prendre, piller, dérober et ravir. Les gens tuer et vivre de l'autrui, guerre et mouvoir, feu bouter et traîne. Hélas, coin doit tels larrons, justiciers, et contraire de leur mestier tenir, à peine est-il aujourd'hui nul ouvrier. Pétrarque, qui traversait la France vers la fin du règne du roi Jean, signale déjà le changement. Je pouvais à peine reconnaître quelque chose de ce que je voyais. Le royaume le plus opulent n'était qu'un monceau de cendres. Il n'y avait plus une seule maison debout, excepté celle qui était protégée par les remparts des villes et des citadelles. Où donc est maintenant ce Paris qui était une si grande cité ? Epistolae, femme, 10-2. Paris présentait un aspect bien plus lamentable encore lorsque Charles VII y fit son entrée. Aux Halles, les forains n'apportaient plus de denrées, et les gens de la ville avaient cessé d'y venir vendre aux jours accoutumés. Les étaux, fermés, tombaient de vétusté, et les habitants du voisinage avaient pris l'habitude d'y jeter leurs immondices. Dans les autres quartiers, il y avait des maisons désertes, sans portes ni fenêtres, des toitures effondrées, des pans de murs dont la chute écrasa plus d'une fois les passants. Un bourgeois de Paris évalue à 24 000 le nombre des maisons abandonnées. Le duc de Bedford, étant régent, fit vendre à la criée les maisons abandonnées. Mais les acquéreurs, au lieu de les réparer, achevaient la plupart du temps de les démolir pour vendre les matériaux. Charles VII rendit des ordonnances semblables, et 4 ans après avoir repris possession de sa capitale, il prescrivait encore aux prévôts d'y faire vendre les maisons vides pendant an et jour. La plupart des villes du domaine royal étaient dans le même état. Des lettres royales de 1443 ordonnent de vendre par tout le royaume les lieux vides et inhabités afin d'en acquitter les impôts. On trouve un grand nombre d'ordonnances portant diminution d'impôts en faveur de villes dont la population avait décru et qui demandaient qu'on réduisît sur les rôles le nombre de leurs feux. Provins se lamentait de voir ses foires interrompues et le nombre de ses métiers réduit de 3 200 à 30. Troyes, Reims, Rouen gémissaient aussi. Le Midi n'avait pas été épargné. Les États de Languedoc se plaignaient à Charles VII de la très grande et inestimable pauvreté et extrême misère du pauvre peuple de ce pays qui est si pauvre que plus ne peut. Dans certaines campagnes, on faisait des lieux et des lieux sans rencontrer un habitant. On ne cultivait plus guère que près des villes où le paysan pouvait trouver un refuge à l'approche d'une bande armée. Les renseignements manquent pour compter le nombre d'hommes que la France a perdu pendant cette période de misère, mais on sait qu'il y a des villages qui ont disparu, des localités dont le nombre d'habitants a diminué de plus de moitié, et il est vraisemblable qu'on n'exagère pas en évaluant la perte à plus du tiers de la population. Cependant, les régions que la guerre avait épargnées étaient prospères. La cour des ducs de Bourgogne était célèbre par son luxe, et le commerce florissait à Dijon. En Flandre, dit un contemporain, l'opulence régnait partout, et tous les genres de commerce avaient pris un grand essor. La France, au contraire, était si désolée que non seulement on n'y ensemençait plus les terres, mais que les bruyères et les mauvaises herbes croissant partout lui donnaient l'aspect d'une immense forêt d'où sortaient les loups et les autres bêtes pour attaquer et emporter les hommes. Le compagnonnage et les confréries. Il y a une institution ouvrière qui paraît s'être développé au milieu de ce désordre. C'est le compagnonnage. Les corps de métier, dont beaucoup avaient revisé leur statut, et qui les firent presque tous renouveler et sanctionner par l'administration royale après la guerre de Cent Ans, étaient devenus avec le temps plus étroits et plus exclusifs. Au XVe siècle, il ne suffisait plus pour s'établir d'avoir de quoi, comme on le trouve dans beaucoup de statuts du Livre des métiers d'Étienne Boileau. Il fallait, après l'apprentissage, faire un second stage comme compagnon, subir l'épreuve coûteuse du chef-d'œuvre, souvent attendre son tour dans les métiers où le nombre des maîtres était limité. Les compagnons ne se trouvèrent plus aussi près de leur maître qu'ils l'avaient été. Ils cherchèrent à s'associer entre eux. Dans quelques métiers, ils fondèrent des confréries particulières que l'autorité royale confirma quelquefois et que plus souvent elle interdit, parce que les maîtres en prenaient ombrage et les dénonçaient comme des causes de grèves et de renchérissement du salaire. Dans d'autres, ils s'organisèrent en compagnonnage. Cette institution, qui resta toujours à l'état de société secrète, convenait surtout aux ouvriers qui voyageaient, allant offrir leur travail d'une ville dans une autre, et par conséquent tout d'abord aux ouvriers du bâtiment, qui affluaient partout où il y avait à construire une église, un château ou quelque autre grand édifice. Ces pérégrinations s'appelèrent plus tard le Tour de France. Comme le compagnonnage n'était pas une association légale, il se cachait sous des formes mystérieuses qui plaisaient aux ouvriers. Il n'a pas d'histoire, mais il a des traditions qui se sont transmises de génération en génération. On ne sait pas quand il a commencé, mais on est porté à croire qu'Erwin de Steinbach, le constructeur de la cathédrale de Strasbourg, avait organisé dès la fin du XIIIe siècle une grande corporation de maçons, tailleurs de pierre et autres ouvriers travaillant à cette œuvre, et que plus tard Dötzinger, chargé de faire des réparations au cœur de l'église, eut la pensée de réunir les loges de maçons en une vaste association, dont les statuts furent arrêtés dans une assemblée tenue à Ratisbonne en 1459. Cette franc-maçonnerie avait un caractère éminemment religieux. Le compagnonnage des ouvriers du bâtiment avait au contraire des pratiques d'initiation qui étaient mal vues par l'Église. Ces compagnons déshonorent grandement Dieu, écrivait au XVIIe siècle un ancien compagnon devenu prêtre, profanant tous les mystères de notre religion, ruinant les maîtres, vidant leurs boutiques de serviteurs quand quelqu'un de leur cabale se plaint d'avoir reçu bravade, et se ruinant eux-mêmes par les défauts au devoir qu'ils font payer les uns aux autres pour être employés à boire. À cet égard, les mœurs du XVe siècle n'étaient certainement pas meilleures que celles du XVIIe, et le formalisme de ces sociétés a sans doute peu changé d'une époque à l'autre. Il est probable que les ouvriers du bâtiment, qui avaient de fréquents rapports avec les membres de la franc-maçonnerie, leur empruntèrent une partie de leurs pratiques mystérieuses et furent des premiers à former des compagnonnages. D'autres métiers, chapeliers, cordonniers, celliers, tailleurs, en organisèrent aussi. La réception des compagnons rappelait l'initiation aux mystères antiques. Le récipiendaire était introduit par son parrain et sa marraine dans une chambre garnie d'ornements emblématiques, parmi lesquels figurait la croix. « Que cherchez-vous ? » lui demandait-on. « Dieu et les apôtres, » répondait-il. Et après avoir embrassé le prévôt et juré de ne révéler à personne, pas même dans la confession, le secret de l'association, il recevait une sorte de baptême, puis il était admis. Dans les principales villes, chaque compagnonnage avait sa mère, c'est-à-dire une auberge tenue par une femme qui recevait à leur arrivée les compagnons et les hébergeait jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé du travail. Le rouleur était chargé de leur en procurer. S'il n'y en avait pas, le plus ancien arrivé devait partir pour faire place au survenant et continuer son tour de France. Quelques compagnons lui faisaient joyeusement la conduite jusqu'aux portes de la ville et même au-delà. On prêtait de l'argent à celui qui n'en avait pas pour sa route. C'était une sorte de société de placement et de secours mutuel qui, à côté des inconvénients qu'elle avait pour la discipline de l'atelier et l'autorité du patron, à côté des querelles qu'elle suscitait entre compagnonnages rivaux, présentait des avantages incontestables à l'ouvrier devenu plus nomade au XVe siècle. L'ouvrier s'y attacha à cause de ses défauts non moins qu'à cause de ses qualités. Les ouvriers n'avaient pas été seuls à sentir le besoin d'associations dont la portée s'étendit plus loin que le corps de métier et les murailles d'une ville. Au XIIIe siècle, c'était surtout des marchands qui exerçaient le commerce international. Ils s'étaient fixés dans quelques grandes villes ou venaient aux foires et ils formaient entre eux des sociétés particulières. Au XIVe et au XVe siècle, les marchands français commencèrent à se passer des étrangers, d'autant plus que ces derniers se tenaient à l'écart à cause des guerres et pilleries. Les merciers, c'est-à-dire les marchands en gros, formèrent des associations. À leur tête, ils placèrent un roi des merciers. La tradition en fit remonter sans preuve l'origine au temps de Charlemagne. Il y en eut un à Paris, pour la région du Nord, un dans le centre, un en Languedoc. Le roi des merciers avait la haute main sur le commerce de sa province, délivrait les brevets de maîtrise, et ceux qui avaient ce brevet étaient pompeusement dits membres de la milice militaire de l'ordre de mercerie. Nul mercier du pays ou marchand forain ne pouvait, sous peine de confiscation et d'amende, déballer sans que sa marchandise eût été visitée par le roi ou par un de ses délégués. les procès relatifs au commerce et même les violences faites aux merciers en route ou en foire ressortissaient à sa juridiction. La fonction du roi des merciers procurait de gros bénéfices, mais elle rendait de réels services aux marchands et elle en rendit aussi longtemps que le pouvoir ne fut pas assez fort pour assurer par lui-même la sécurité des routes et des marchés. Supprimé et rétabli presque aussitôt en 1544, elle ne fut abolie définitivement qu'après les guerres de religion en 1597. La fin du XIVe siècle et le commencement du XVe ont été une période de contraste, misère et luxe. Pendant que les gendarmes affamaient le pays et le vidaient d'hommes, la cour et les seigneurs menaient grand train et dépensaient follement. Les gens de métier, quoique souffrant de la misère générale, aimaient les fêtes et les festins. Les confréries se multiplièrent. Déjà au XIIIe siècle, certains métiers avaient leur chapelle et payaient une cotisation pour son entretien. Au XVe, l'institution s'était propagée, et si, vers la fin de la guerre, beaucoup de métiers renonçaient pour cause de pauvreté à en faire les frais, tous s'empressèrent de rétablir leur confrérie dès que la paix eut ramené la prospérité. La confrérie était en principe au moins distincte du corps de métier. Ce dernier était une société d'artisans ou de marchands qui avait un caractère essentiellement professionnel. La première était une société amicale et religieuse qui avait pour objet le culte, les fêtes communes et l'aumône aux maîtres tombés dans l'indigence. Les deux caisses étaient presque toujours gérées séparément, et souvent les gardes du métier n'étaient pas les maîtres de la confrérie. Quelquefois même, il y avait plusieurs confréries pour le même corps de métier. Les orfèvres de Paris en sont un exemple. Un saint et une chapelle étaient le fonds nécessaire à toute confrérie. Chacune avait dans une église une chapelle consacrée à son saint, et dans cette chapelle qu'elle ornait de son mieux, son cierge. « Je suis du cierge de tel métier », disait-on avec orgueil. C'est dans la chapelle que les membres se réunissaient, rarement tous les dimanches, toujours à la fête du patron, jour où il y avait grand-messe, pain béni, procession, banquet. On fait d'ordinaire ce jour-là quelques aumônes aux pauvres, surtout aux pauvres maîtres du métier, car il est à remarquer que dans aucun ou presque dans aucun statut, il n'est stipulé d'aumône en faveur des ouvriers. Ceux-ci étaient subordonnés au statut du métier, mais ne faisaient pas, sauf de rares exceptions, partie active de la confrérie, et ne participaient point à ses avantages, quoiqu'ils fussent tenus, dans certaines professions, d'assister à ses cérémonies. Dans les solennités publiques, les confréries figuraient et marchaient en procession, portant leurs bannières et leurs insignes. Les plus riches faisaient de grandes dépenses pour briller dans ces occasions. Le jour où Isabeau de Bavière fit sa première entrée à Paris, 1200 bourgeois de tout rang, groupés par métier, allèrent à cheval à sa rencontre. Effort de la royauté après la guerre de 100 ans. Dès que les Anglais eurent quitté Paris, Charles VII s'occupa de rétablir la tranquillité dans le royaume et de ramener les paysans à leur culture, les artisans à leur métier. En faveur de l'industrie, le roi rendit un grand nombre d'ordonnances pour renouveler d'anciens statuts de métier tombés en désuétude, rétablir des règlements, former en communauté des métiers jusque-là sans discipline et, comme l'autorité royale s'imposait partout davantage, il se réserva dans tous les actes une part des amendes et le droit de faire présider les assemblées par un de ses officiers. Il accorda des immunités d'impôts aux artisans qui avaient le plus souffert, ou il en offrit à ceux qui viendraient repeupler les villes. Il rétablit sans succès, il est vrai, les foires de Champagne. Il réorganisa les grandes foires de Lyon. Louis XI suivit la même politique et s'appliqua plus que son père à montrer sa bienveillance pour les petites gens, dont il n'avait rien à craindre et sur lesquels il s'appuya plus d'une fois dans sa lutte contre la noblesse. Menacé par une coalition féodale, il fit appel, en 1467, aux gens de métier de Paris, et ceux-ci déclarèrent qu'ils étaient prêts d'obéir au roi et de le servir de tout leur pouvoir et eux mettre en armes pour entretenir et maintenir la dite ville en sa bonne obéissance. Ils formèrent en effet 61 bannières ou compagnies, comprenant chacune un ou plusieurs corps de métier, et s'équipèrent à leurs frais. Chaque compagnie avait une bannière armoriée portant les armes particulières du métier et au milieu une croix blanche. Elle formait une confrérie autorisée. Ses chefs avaient le droit de porter les dimanches et jours fériés la dague et l'habit de guerre. Louis XI eût été plus populaire encore auprès de la bourgeoisie si sa politique ne l'avait obligé à la surcharger d'impôts. Il favorisa l'introduction d'industries nouvelles, notamment celle de la soierie, pour laquelle il fit venir à Tours des teinturiers et des tisserands italiens. Il rendit une ordonnance générale sur l'exploitation des mines, 1471. La première presse d'imprimerie fut installée en 1469 dans une cave de la Sorbonne. Comme son père, Louis XI donna des statuts à nombre de métiers, institua plus de 60 fois et parvint à donner à celle de Lyon une importance telle que, sous le règne suivant, on se plaignit aux états généraux de Tours que tout l'argent du royaume s'y rendit pour s'écouler de là dans les pays étrangers. Le travail et l'activité renaissaient peu à peu, quoique les députés, à ces états, aient peint encore de couleur sombre le tableau des campagnes et villes en 1484, l'industrie et le commerce se relevaient. Commerce intérieur et commerce extérieur au XVe siècle. Le commerce s'était considérablement ralenti pendant la guerre de Cent Ans, mais il n'avait pas été complètement cessé, parce qu'il est nécessaire à la vie d'un peuple, et qu'à côté de provinces ruinées, il y en avait de florissantes. Nous avons vu comment il s'était abrité sous la protection des rois des Merciers. Il prit un nouvel essor quand les routes furent devenues plus sûres, et il n'est pas douteux que le commerce à l'extérieur du royaume n'eût plus d'expansion à la fin du XVe siècle qu'au XIIIe. Une ordonnance de 1407, en pleine guerre, nous apprend que les boutiques de Paris étaient approvisionnées de peigne de Limoges, de fer de Toulouse, d'étamine d'Auvergne, de serge d'Arras, d'étoffe de Champagne et de Normandie. Une autre ordonnance du temps de Charles VIII nous montre les marchands de Rouen, Bayeux, Lisieux, Montvilliers, Saint-Lô, Bernay, Louviers, Bourges, Issoudun, Poitiers, Angers, Parthenay, Saumur, Bressuire, Saint-Malo, etc., venant journellement à Tours pour faire des achats de draps. En beaucoup d'endroits, les marchés avaient cessé de se tenir en temps de guerre. Les rois s'efforcèrent de les rétablir dans l'intérêt du commerce et dans leur intérêt particulier, puisqu'ils en tiraient un revenu. Ils ne réussirent pas toujours complètement parce que les habitudes avaient changé. Comme au XIIIe siècle, ils défendaient aux acheteurs d'aller au-devant des forains apportant leurs produits. Pour éviter les accaparements et maintenir leurs revenus, ils n'autorisaient la vente que sur le carreau et à l'heure du marché. Mais le renouvellement fréquent de leurs ordonnances à ce sujet témoigne de l'inutilité de leur défense. Dans les siècles précédents, les marchands de Paris étaient obligés les jours de marché de fermer leurs boutiques et de ne vendre que dans leur étal de la halle. Plusieurs ordonnances renouvelèrent cette prescription. Mais les acheteurs avaient pris l'habitude d'aller directement dans les boutiques. Les marchands résistèrent et leur résistance triompha si bien que les bourgeois qui avaient pris à bail la halle de la basse mercerie pour en soulouer les étaux furent ruinés. Les rois accordèrent aussi des faveurs aux marchands étrangers. Les Castillans et les Portugais étaient au XVe siècle particulièrement favorisés. Ces derniers apportaient les produits de l'Afrique. Dans les ports de Harfleur, du Crotoy, d'Abbeville, qu'ils fréquentaient de préférence, ils jouissaient de nombreuses immunités, ne payant aucun droit, n'étant soumis à aucune amende, justiciables seulement d'un tribunal mixte de bourgeois indigènes et de portugais. Les Lombards, quoiqu'ils n'eussent plus alors la prépondérance commerciale et financière qu'ils avaient possédée au XIIe siècle, avaient toujours un rôle important, surtout aux foires de Lyon. Après le rétablissement de la paix, on vit sur les marchés français les Flamands, les Brabançons, les Hollandais, que Louis XI a franchis des droits onéreux de visite et de marque, et les Hanséates, encore tout-puissants dans les mers du Nord, et avec lesquels un premier traité d'alliance fut signé en 1483. La marine française, quoique bien inférieure à celle des villes de la Hanse et du Portugal, eut pourtant à cette époque une notable importance. Charles V avait fait équiper une flotte qui alla menacer les Anglais sur les côtes de leur île. Les Dieppois entretenaient des relations commerciales avec le Maroc et la côte d'Afrique. D'après une tradition qui n'est pas bien prouvée, ils auraient eu des comptoirs jusque dans les parages de la Guinée. Un gentilhomme normand, Jean de Bettencourt, qui s'était fait céder la souveraineté des îles Canaries, partit en 1402 avec un équipage recruté à Dieppe et à La Rochelle pour conquérir son royaume, où il régna 23 ans. On a déjà parlé de la grandeur et des infortunes de Jacques Cœur. Commerçant, banquier et armateur, il créa des comptoirs dans le Levant, fit de Montpellier le centre de ses opérations commerciales dans le bassin de la Méditerranée. Ses navires, dit un contemporain, transportaient en Orient des draps et des marchandises du royaume. À leur retour, ils rapportaient de l'Égypte et du Levant diverses étoffes de soie et toutes sortes d'épices. Arrivés en France, quelques-uns de ces navires remontaient le Rhône, tandis que d'autres allaient approvisionner la Catalogne et les provinces voisines, disputant par ce moyen aux Génois et aux Catalans une branche de trafic qu'ils avaient seuls exploitée jusque-là. Un autre écrivain disait, avec une emphatique exagération, qu'alors il n'y eut en la mer d'Orient mât revêtu, sinon des fleurs de lys. Fin de la section 25.